Dans mon salon, il fait si froid que les ours polaires entrent chez moi. Alors, je vais prendre un artisan qualifié pour remplacer ma chaudière avant de finir dévoré. Et ça, c'est easy. Avec Easy by EDF, profitez de solutions de chauffage adaptées pour remplacer votre chaudière. Mes travaux réussis, c'est simple. C'est easy. Voir conditions sur easy.ezadi.edf.fr. L'énergie est notre avenir, économisons-la. Les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique. À la fin de l'année 1946, de jeunes journalistes, parmi lesquels Georges Decaune et Pierre Desgroupes, faisaient, sur les ondes de la Radio Nationale, le récit de l'année politique qui s'achevait. Une année marquée en France par la naissance, dans la douleur, de la 4e République. Pour faire le récit de cet avènement, ils avaient choisi de projeter leurs auditeurs en l'an 2000 en imaginant ce que pourrait être l'oral d'examen d'un étudiant de la fin du XXe siècle ayant planché sur l'année politique 46. Les enregistrements des déclarations publiques des grandes figures politiques de l'immédiate après-guerre ponctuaient cette mise en scène radiophonique. On y entendait les voix de Félix Gouin, de Daniel Mayer, de Édouard Herriot, celles de Jacques Duclos, de Georges Bidault, de Léon Blum et bien sûr, celles de Charles de Gaulle. C'était lors de son célèbre discours de Bayeux, dans lequel il dessinait déjà les contours de ce que serait la Ve République qui, 12 ans plus tard, devait enterrer une 4e République à bout de souffle. Une émission qui se terminait avec l'annonce aux dignitaires nazis du verdict qui les condamnait à mort à l'issue du procès qui s'était achevé à Nuremberg cette même année 46. Ainsi va le monde, historique de la constitution de la 4e République, une émission diffusée la première fois le 27 décembre 1946 sur la chaîne nationale. L'histoire dira si l'année qui s'achève aura été pour le monde et en particulier pour la France une année d'importance. Nous manquons pour en juger du recul nécessaire. Et les acteurs sont malvenus de discuter, le rideau à peine baissé, de la valeur de la pièce jouée. En regard des années terribles, celle-ci, sur le plan du sensationnel, paraîtra peut-être un peu mince. Mais la vie n'est pas si prodigue qu'elle puisse se permettre d'offrir chaque année, à chaque année qui passe, ces dizaines de millions de morts, ces batailles de Londres, ces Stalingrad, ces Birakim, ces empires qui s'écroulent ou ces libérations de Paris. Ce qu'on peut en dire, et ça n'est déjà pas si mal, c'est qu'elle fut, ou presque, une année sans guerre. Et sinon de bonheur, n'en demandons pas trop, du moins une année de répit. Des petits-enfants sont nés ou vont naître entre le 1er janvier et le 31 décembre, et c'est comme une sorte de doux miracle, qui n'ont pas entendu et n'entendront peut-être pas avant longtemps le fracas des bombes et le grondement du canon. Et du 1er janvier au 31 décembre, presque tous ceux qui nous auront quittés seront morts de mort naturelle. Pour des gens de notre siècle, ça n'est déjà pas si mal. D'autres vont ces jours-ci, un peu partout sur les antennes, célébrer l'année qui s'en va et celle qui vient par des chansons et des jeux et faire revivre un instant la voix des grands ténors, des vedettes de l'année 46, ceux que vous aimez voir ou entendre, qu'ils aient nom Charles Trenet, Édith Piaf ou Jean Gabin ou Cerdan ou tant d'autres. Pour nous, dans le cadre de cette émission documentaire, nous n'avons voulu que faire un sort aux seuls événements marquants de la vie politique française de ces 365 derniers jours. La France, à plusieurs reprises, y a voté. Elle s'est donné une assemblée nouvelle, une nouvelle constitution, et tout ce qu'il faut aussi pour se donner demain le premier président de la 4e République. Elle a connu des heures difficiles, traversé des crises qu'elle a tant bien que mal surmontées. Elle ne mange pas encore tout à fait à sa faim, elle ne s'habille pas encore chez le bon faiseur, elle n'a pas plus chaud qu'il ne faut en ce mois de décembre, mais tant bien que mal, elle a continué. Et si un peu plus de charbon dans les cheminées, de pot-au-feu dans les marmites ferait bien son affaire. Continuer en ces jours où tant de choses disparaissent, c'est déjà presque un bilan de victoire. Encore une fois, vu de Sirius ou même de la Terre de Feu, tout cela peut paraître de peu d'importance. Mais pour nous, c'est le quotidien, c'est le contingent, c'est la France au jour le jour qu'on touche du doigt et nous sommes quelques 40 millions de Français à penser, je crois, que cela a quand même un certain petit intérêt. Mais, encore une fois, c'est l'avenir qui jugera. Et pour nous, aujourd'hui, notre rôle va se borner à vous présenter, bonne ou mauvaise, valable ou futile, heureuse ou malheureuse, cette année de la vie politique française, comme un examinateur pourrait demander à un élève de l'an 2000 de le faire. Alors nous allons jouer un instant à être cet élève. Quant au point de vue de l'examinateur, eh bien, je vous donne rendez-vous pour le connaître, chers auditeurs. Et avant de vous quitter, c'est le vœu que je formule de vous y retrouver nombreux. Je vous donne rendez-vous à cette même place, si vous voulez bien, en l'an 2000. Les épreuves orales de l'examen de licence d'histoire, auxquelles nous assistons actuellement, se tiennent dans le grand amphithéâtre de la Faculté des Lettres de Paris. Nous croyons devoir signaler à nos auditeurs que pour la première fois, aujourd'hui 6 juillet de l'an 2000, le micro de la radiodiffusion française est autorisé à enregistrer et à diffuser les interrogatoires des différents candidats. Eh bien, approchons-nous d'une table devant laquelle vient justement de s'asseoir un jeune candidat. Approchons-nous de cette table et enregistrons, si vous le voulez bien, le petit duel que vont se livrer le professeur et l'élève. Vous vous appelez comment, monsieur ? Jean Petit. Jean Petit. Eh bien, pouvez-vous me parler des événements principaux qui ont marqué l'année 1946 en France ? L'année 1946, l'année 46 fut une année particulièrement importante au point de vue politique. À 5 reprises différentes, les Français allèrent aux urnes, ce qui n'aurait été jamais arrivé dans l'histoire. Tandis que 3 crises ministérielles marquèrent l'évolution de la politique. C'est en 1946 que fut établie, non sans mal, la constitution de la 4e République. C'est exact. C'est d'ailleurs l'événement important de cette année. Je vais vous demander de me faire l'historique de cette constitution. Promulguer une constitution était la tâche principale que s'étaient fixée nos gouvernants après la Libération. Président du gouvernement provisoire, le général de Gaulle fut mis en difficulté dès le 1er janvier 1946 à propos de la discussion des crédits militaires. Le 20 janvier, il décidait de démissionner et le 23, M. Félix Gouin était élu président du gouvernement par 497 voix contre 55. Le même jour, le président Félix Gouin s'adressait au pays. Je n'ai ni sollicité, ni recherché l'honneur qui m'est fait. Et si j'en sais tout le prix, j'en connais aussi toutes les charges. J'accepte celle-ci par devoir, non seulement envers la République à qui je dois tout, mais aussi et surtout envers la France, pour laquelle nous devons être prêts à sacrifier non seulement notre existence, si c'est nécessaire, mais aussi ce qui, pour un homme public, est parfois plus précieux encore que la vie, c'est-à-dire sa propre popularité. C'est dans ces sentiments que j'accepte le mandat qui m'est confié par l'Assemblée, avec l'espoir que les partis et les hommes sauront envisager la situation présente de la France avec la gravité et le courage qu'elle comporte. L'Assemblée constituante se mit aussitôt au travail. En mars, le président Gouin, à l'occasion d'une visite à Strasbourg, prononçait un important discours sur la situation internationale. Instruits par une longue et tragique expérience, nous disons que deux choses au moins, sont inséparables de la sécurité française. Deux choses sur lesquelles nul de nous ne saurait ni transiger ni composer. D'abord, une occupation militaire internationale prolongée de l'Allemagne. Et ensuite, l'institution d'un consortium international dirigeant et contrôlant cette matière éminemment explosible que constitue le territoire de la Roure. Sur ces deux points, que je veux détacher de l'ensemble des thèses françaises, j'ai le sentiment que l'accord de la nation est total. Le 20 avril, l'Assemblée votait la Constitution par 309 voix contre 204. Il restait au peuple français à ratifier cette constitution. Partisans et adversaires entamèrent alors une campagne passionnée. Communistes et socialistes étaient partisans de l'adoption. M. Daniel Meyer, secrétaire général du parti SFIO, défendit devant le micro le texte adopté par l'Assemblée. Les raisons qu'a le Parti socialiste de demander l'adoption des textes qui lui sont soumis, déclaration des droits et articles constitutionnels proprement dit, sont multiples. Tout d'abord, c'est l'existence même de la Constitution qui est notre premier argument. La France a assez souffert du provisoire, il lui faut des institutions définitives. Ensuite, la Constitution en soi a un certain nombre d'éléments qui sont une œuvre grandiose d'émancipation humaine et c'est une des raisons pour lesquelles nous demanderons au pays de la voter. Nous voterons la Constitution parce qu'elle contient l'affirmation de l'égalité des sexes. Nous voterons pour la Constitution parce qu'en abaissant l'âge de l'électorat et celui de l'éligibilité, elle rend un juste hommage à notre jeunesse. Le MRP, le Rassemblement des Gauches, les Indépendants et le PRL, partisans d'un régime de deux assemblées, combattaient le projet constitutionnel. Monsieur Édouard Herriot, président du Parti Radical Socialiste, était un de leurs principaux porte-parole. Je suis nettement hostile à la Constitution actuelle, d'abord parce qu'elle est liée en fait à une loi électorale qui me paraît violer les droits élémentaires de l'électeur. J'y suis hostile aussi parce qu'elle constitue une assemblée unique au lieu des deux chambres qui me paraissent nécessaires à l'équilibre des pouvoirs. Or, cette assemblée absorbe en elle tout le pouvoir législatif, tout le pouvoir exécutif, tout le pouvoir judiciaire. Elle n'est soumise à aucun contrôle. Ses décisions, quelles qu'elles soient, ne peuvent jamais être modifiées. Je trouve que c'est un danger. J'y vois un élément de dictature collective que j'ai combattu au nom de mes principes républicains. Finalement, le 5 mai, le pays votait dans le calme. Deux messieurs sont assis à une table. Il y en a un qui ouvre une enveloppe et l'autre qui annonce oui ou non à un monsieur et à une dame qui remplissent chacun une copie de bâtons. Les bâtons sont groupés par 5 et en les additionnant, on aura le total des votes. Nous allons demander à une dame qui est, je crois, spécialisée dans ces questions de vote, puisqu'elle est employée de la mairie du 20e arrondissement. Je crois, madame, que vous vous êtes occupée des élections déjà la dernière fois. Mais oui, monsieur. Est-ce que je peux vous demander quel est le résultat ici, dans le 20e arrondissement, des 100 premiers bulletins dépouillés? Bien sûr, 50 oui, 48 non et 2 bulletins nuls. Je vous remercie beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'abstention, alors? Non, très peu, un dixième. Sur 1680 votants, et on a remarqué 170 abstentions. C'est-à-dire que ça fait un dixième, en effet. Environ. Voilà. Et en ce qui concerne, quelle est la proportion des oui et des non? Vous en avez à peu près 800 là-dessus? Oui, j'en ai 2, 3, 4, 5, 9. 800 votants par contre. 900 votants. Jusqu'à présent, le résultat des 900 premiers ont été à peu près répartis. Enfin, presque autant. Un tout petit peu de majorité sur les oui. Et oui, il emporte un peu sur les non. Mais de très peu. Nous sommes dans quelle circonscription? Nous sommes dans le 20e arrondissement, à l'école du 293 rue des Pyrénées, le 4e bureau du Père Lachaise. Et en définitive, par 53% des suffrages exprimés, ce projet était rejeté. Moins d'un mois après le référendum, le 2 juin, les électeurs reprirent le chemin des urnes pour élire la deuxième constituante. C'est le MRP qui possède le groupe parlementaire le plus important. Et aussitôt, la deuxième constituante se remet au travail. De son côté, rompant avec un long silence, le général de Gaulle prononça le 16 juin à Bayeux un important discours politique. Dans notre Normandie, glorieuse et mutilée, Bayeux et ses environs ont été les témoins d'un des plus grands événements de l'histoire. Et nous attestons qu'ils l'ont bien mérité et qu'ils s'en sont montrés dignes. Ici, 4 années, après le désastre initial de la France et des Alliés, commença la victoire finale des Alliés et de la France. Ici, l'effort de ceux qui n'avaient jamais cédé et autour desquels, à cause de cela, s'était rassemblé l'instinct national et reformer la puissance française, trouva sa décisive justification. En même temps, c'est ici que sur le sol des ancêtres réapparut l'État. L'État légitime, parce qu'il reposait sur l'intérêt et sur le sentiment de la nation, l'État dont la souveraineté réelle avait été transportée du côté de la guerre, de la liberté et de la victoire, tandis que la servitude n'en conservait que l'apparence. L'État préservé dans son autorité, dans sa dignité, dans ses droits, au milieu de toutes les vicissitudes, du dénuement et de l'intrigue, l'État défendu contre les ingérences de l'étranger, l'État capable de réunir autour de lui ce qui était l'unité nationale et l'unité impériale, d'assembler toutes les forces de la patrie et de l'Union française, de mener la victoire à son terme, en commun avec les alliés, de traiter d'égal à égal avec toutes les grandes nations du monde, de préserver l'ordre public, de faire rendre la justice et de commencer notre reconstruction. Le général de Gaulle se déclarait partisan d'un pouvoir exécutif renforcé et insistait particulièrement sur les prérogatives à accorder au président de la République. Il suffit d'évoquer cela pour comprendre à quel point il est nécessaire que les institutions nouvelles de la France compensent par elles-mêmes notre perpétuelle effervescence politique. Il y a là pour nous une question de vie ou de mort. Dans la situation où se trouve le monde et au siècle où nous sommes, où la position, l'indépendance et jusqu'à l'existence de notre pays et de l'Union française risque d'être mise au jeu. Sans doute, il est de l'essence de la démocratie que les opinions s'expriment et qu'elles s'efforcent par le suffrage d'orienter, suivant leur conception, l'action publique et la législation, mais tous les principes et toutes les expériences exigent que les pouvoirs publics, le législatif, l'exécutif, le judiciaire, soient nettement séparés et fortement équilibrés. Et qu'au-dessus des contingences politiques soit établi un arbitrage national qui fasse valoir la continuité au-dessus des combinaisons. Entre-temps, c'est M. Georges Bidault, l'un des leaders du MRP et ministre des Affaires étrangères du précédent gouvernement, qui avait été désigné par l'Assemblée constituante pour succéder à M. Félix Gouin. Le 28 juillet, le président Bidault se rendait à Saint-Étienne et exposer le programme de son gouvernement. Votre pensée à vous tous, mes camarades. Comment les efforts pour rétablir dans ce monde ravagé et inquiet un peu plus de justice, un peu plus de prospérité, un peu plus de sécurité pourraient-ils rebuter les gens de chez nous qui réclament pour eux-mêmes aussi tous ces biens dont ils manquent? En défendant les Français contre la détresse, nous défendons la paix en élaborant une paix juste et stable. Nous défendons l'avenir des foyers français. Sur ces fronts solidaires où le gouvernement se bat tous les jours pour la France, il a besoin du renfort de tous et de la confiance de chacun. J'ai la pleine espérance que ni l'un ni l'autre ne lui seront refusés. Quelle est selon vous la date décisive dans l'histoire de la Constitution de la 4e République? La date décisive dans l'histoire de la Constitution de la 4e République est le 29 septembre. Ce jour-là, l'Assemblée vota le projet constitutionnel. Cette fois, le Parlement se composait de deux chambres, Assemblée nationale et Conseil de la République. Le même jour, le général de Gaulle, peu satisfait des concessions faites de part et d'autre, affirma encore son hostilité au cours d'un discours prononcé à Épinal. Une nouvelle campagne s'engagea dans le pays. Le président Bidault et son parti, le MRP, approuvant cette fois le projet constitutionnel, engageaient les Français à ratifier la Constitution. Le 13 octobre, pour la troisième fois, les Français votèrent et finalement, la Constitution fut adoptée à la majorité de 1 200 000 voix. C'est exact. Le 10 novembre, pour la quatrième fois, les électeurs se rendent aux urnes pour désigner leurs représentants à la première Assemblée nationale de la 4e République. Le Parti communiste possède cette fois le groupe le plus important de la nouvelle assemblée. Je suppose, Monsieur Duclos, que vous pouvez évaluer dès maintenant vos succès. Non, je ne peux pas. Mais en tout cas, de ce que je sais déjà à l'heure actuelle, on peut dégager que le Parti communiste remporte une grande victoire aujourd'hui, malgré tous les coups qu'on a essayé de lui porter. Vous pouvez la chiffrer à peu près, cette victoire ? Non, pas encore. Pas encore. Et quel sens dégagez-vous de cette victoire ? Eh bien, à quoi l'attribuez-vous ? Il est possible que nous soyons le premier parti de ce pays, de nouveau, comme nous l'avions déjà été le 21 octobre. Et quand nous aurons fait les calculs plus en détail, là, nous serons fixés. Excusez-moi une petite question indiscrète, Monsieur Duclos. Quand on gagne des voix, il faut bien qu'elles viennent de quelque part. Alors, en principe, d'où viennent les gains supplémentaires que vous avez cette fois-ci, ça, d'après vous, à peu près, enfin, tout de même, ils viennent pas du PRL. Je n'en sais rien. Non, évidemment pas. Je n'en sais rien, parce que vous savez, je ne suis pas dans le secret des urnes. Oui, puis il est encore très tôt, il est... Mais j'imagine qu'il y a beaucoup de travailleurs qui ont voté pour nous parce qu'ils ont le sentiment de la nécessité de l'unité de la classe ouvrière et de l'union des forces républicaines devant la réaction. Et qu'arriva-t-il ensuite ? Le gouvernement de M. Bidault présenta sa démission et après de longues et délicates négociations, M. Léon Blum réussissait le 16 décembre à former un nouveau gouvernement. J'ai essayé de remplir le mandat qui m'avait été confié par l'Assemblée nationale. J'ai essayé de constituer un gouvernement de concentration républicaine et démocratique dans un climat de concorde nationale. J'ai échoué. Peut-être cet échec m'est-il imputable à moi-même. Peut-être, dans la conjoncture politique actuelle, ma tentative n'était-elle pas réalisable. Quoi qu'il en soit, j'ai échoué. Un grave cas de conscience s'est alors posé pour moi. Que devais-je faire? Quel était mon devoir? Je n'avais le choix qu'entre deux partis. Ou bien résigner mon mandat, ou bien me présenter demain devant l'Assemblée nationale avec le seul gouvernement pour la formation duquel je ne prévoyais ni obstacle, ni retard, c'est-à-dire un gouvernement composé d'un certain nombre de mes camarades socialistes. J'ai choisi le second parti. Abandonnons maintenant la politique intérieure. Parlez-moi un peu de la conférence de Paris. La conférence de Paris tint sa première séance le 29 juillet 1946. 21 nations participaient au débat de cette conférence. C'est M. Bidault, président du gouvernement provisoire de la République française, qui souhaita la bienvenue au ministre des Affaires étrangères de tous les pays alliés, venu préparer la signature du traité de paix. La conférence de Paris sera menée à bien la lourde tâche qui lui est proposée. La longue souffrance du monde, la patiente attente des peuples, l'anxiété des faibles, l'immense espérance des hommes simples au cœur droit, se tournent aujourd'hui vers nous pour nous demander d'écarter à jamais les mauvais présages dont sont point avares les prophètes de malheur, et pour fonder dans l'entente mutuelle, au service de la justice et de la liberté, un monde délivré de ce fléau qui, au rebours des autres, devient plus redoutable selon la longueur des temps. J'ai nommé la guerre. Nous avons tous souffert en la livrant pour la bannir. C'est maintenant l'heure de commencer d'aboutir. Le principal sujet de discussion soulevé lors de la conférence de Paris fut la préparation des traités de paix avec les satellites de l'Axe. Ce sont les ministres des quatre grands réunis à New York qui, ultérieurement, élaborèrent, non sans difficulté, les textes définitifs de ces traités. Y eut-il d'autres manifestations internationales importantes cette même année à Paris ? Avant la conférence des 21, le Conseil des quatre s'était réuni le 27 avril à Paris pour mettre au point l'ordre du jour de la conférence des 21. Puis, ensuite le mois d'UNESCO, débuta en novembre et au cours de ce mois furent envisagées les mesures à prendre pour faciliter les rapports culturels entre les diverses nations. De grandes manifestations artistiques marquèrent le temps de ces conférences. Je crois que vous ne m'avez pas encore dit que l'année 1946 fut la première année de la paix dans le monde et que le 1er juin fut la date de la fin légale des hostilités. Ainsi, la guerre terminée, les peuples purent-ils commencer à bâtir la paix. Mais leur premier souci fut de juger et de punir les responsables de la bataille qui naquit en 1939 et qui, des années durant, ensanglanta le monde. C'est le 19 octobre que fut rendu le verdict de Nuremberg, dans la même ville où naquit 25 ans plus tôt le national-socialisme. Le 16 octobre, les criminels de guerre étaient exécutés. Seul Göring, en se suicidant, réussit à échapper au châtiment. Defendant Hermann Wilhelm Göring. On the counts of the indictment on which you have been convicted, the International Military Tribunal sentences you to death by hanging. Accusé Hermann Wilhelm Göring. Selon les chefs d'accusation qui ont été retenus contre vous, le tribunal vous condamne à la peine de mort par pendaison. Defendant Joachim von Ribbentrop, on the counts of the indictment, on which accusé Joachim von Ribbentrop, sentence mort par pendaison. Defendant Wilhelm Keitel, on the counts of the indictment, on which you have been convicted. Accusé Wilhelm Keitel, mort par pendaison. Bien, je crois que nous avons énuméré les principaux événements qui marquèrent cette année 1946. Cette année qui vraiment, pour ceux qui la vécurent, dut être une année passionnante. Je voudrais maintenant vous demander quelques détails sur l'année 1947. Mais monsieur, vous savez bien que l'année 1947 n'est pas au programme. C'était « Ainsi va le monde », historique de la Constitution de la 4e République, une émission présentée par Samy Simon, Pierre Desgroupes et Georges Decaune, diffusée la première fois le 27 décembre 1946 sur la chaîne nationale. Téléchargement et réécoute à la page des nuits sur le site franceculture.fr.